te laisse pas sombrer. T'es pas le style des primes. Ça te va pas du tout. Je sais que tu es plus fort. T'as déjà traversé de plus profonds abîmes. Et tu t'en sortiras cette fois-là encore. Éclater les murs, balaye tous les sarcasmes. Tu as fait le plus dur pour sortir du marasme. T'as de l'or dans les mains, ne le laisse pas fondre. Pas beaucoup à faire pour reconstruire ta vie. Je sais pour le moment tu te sens sursis, mais ne sois surtout pas un mouton qu'on va tondre. Assieds-toi, je viens de faire du café. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça te fera du bien. Et puis si t'as envie, on pourra en parler. Je te sens un peu perdu.